conscience scindée. De part en part, l'autre s'empare de toi. Dès lors, le valeureux supplie, démoncelé, s'entiche, décornissant, et toi. Et toi, supplie, supplie, supplie, supplie, supplie, supplie, supplie, démence velée, sentiche, décornissant, et toi, d'acide, suave-tiédeur, on part, en prise, océan de nuages, qui coule, s'immerge, en toi. En toi. Supplie, supplie, supplie, supplie. Qui propage pollution rampante. En moi et de moi. Au lointain, sans passe. Sans trace la nuée. Sans lasse la jetée. Souffrante, souciante et captive. Servante de givre. Ce moi. Comme de moi à toi, tu sais, je sais, la fontaine de veine, sur les dalles pleurantes, saine et rampante, à jamais, vers toi.